souvenir de vous. Qu'est-ce que je fais ici? Emmène-moi partout. Partout, mais pas ici. Faites-moi oublier tout ce que j'ai été. Inventer mon passé dans le sens à la nuit. Inventer le soleil qui l'aurore a pété. Quand je n'ai pas sommeil, je vais vous embrasser. Êtes-vous mon ami? Répondez. Où est-ce que je suis? Il y a du feu partout. Je n'entends plus de bruit. Je suis peut-être fou. Il faut que je m'étende et que je dorme un peu. Il faudrait que je tente de nettoyer mes yeux. Dites-moi qui je suis, regardez-les mes yeux, je vous montre.